Ah oui, non, mais de toute façon, c'est une grosse émission ce soir. Hein. Je vais faire le tour du périph' déjà parce que je prends ta caisse et je vais essayer de me faire. Ah, tu prends ma caisse. Prendre au radar au moins 5 fois. Ouais. Que ce soit drôle. Ouais. Donc j'ai ce pari là et puis je vais aussi essayer de rentrer dans la demeure de notre bête à nous que vous connaissez qui est Gérard voilà. Ce soir. Qu'on va essayer ouais. d'appeler maintenant. Je ne sais pas si Manu ou Anka peut essayer de rentrer en contact avec notre ami Gérard. Effectivement, Fildar veut essayer de rentrer absolument dans la caverne où vit Gérard depuis maintenant quelques mois. À Vincennes. Ça risque d'être compliqué, mais si tu n'y arrives pas, au pire des cas, c'est d'aller le récupérer parce que ce soir, Fildar va récupérer de toute façon Gérard et nous le ramener dans les studios pour la première de cette rentrée 2000-2001. Pour en profiter un petit peu de Gérard et de cette rentrée, et quelles sont les bonnes résolutions de notre ami Gérard de Suresnes, sans oublier que... Oui, alors Gérard. Ouais, la PJ. Ouais, la PJ. Ça va Gérard? Ça va et toi? Ouais, très bien, en forme. Donc ce soir, c'est la grande première. Et j'étais en train d'écouter. Et la grande catastrophe, avant qu'on parle bien sûr de toi et de Fildar et de tout ça, la grande catastrophe, c'est que tu n'as plus de radio-cassette pour enregistrer. Ça y est, c'est reparti. Oh là là, j'ai mis 2-3 coups de pompe dans la gueule. À qui? Ben, au poste. D'accord. Comment va ta femme? Laquelle? Bah, la dernière, la grosse, quoi, le machin, quoi, le c'est bordel. Qui parle, c'est ah, le bulldog? Le bulldog, voilà, exactement, ouais. Ah, bah, le bulldog, Mastoc, ça va, il bon, ça va, bien, tout va bien. Très bien. Donc, il n'y a aucun problème à ce que Fildar vienne ce soir te rendre une petite visite? Ben, disons, comme je t'ai expliqué, ça va être grave. Ça va être grave, mais il peut au moins venir te récupérer, qu'il puisse un petit peu commenter là où tu vis, tout ça, les détritus, les ordures. Pas dans l'intérieur même, mais... pas dans ton anus. Non, mais je rentrerai pas dans la cage. Non, mais je veux dire, à l'extérieur s'il veut, mais pas dans, à l'intérieur même. D'accord, très bien. T'as passé un bon été? Ben, moyen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps, peut-être? Bah disons, le mois de juillet, il a été catastrophique. Bon, comme je t'ai expliqué quand on s'est eu un petit peu avant, le problème avec la grand-mère. Ouais. Donc, ça y est, maintenant, le déménagement est terminé, donc... Ah, t'as fait déménager ta grand-mère? Ben non, je vais pas... Ça regarde pas tout le monde, on en discutera tout à l'heure, nous, c'est tout. Parce que bon, je te l'ai dit. Ah oui, exact, j'avais oublié. Ouais. Donc, ça s'est terminé là aujourd'hui. Ben moi, ça y est, moi pour l'instant, ça va, je suis en pleine forme. D'accord, ok, très bien. T'as terminé quoi là? Les vacances. Les déménagements, d'accord, ok, très bien. Ça s'arrose alors. Ouais, t'as raison toi. Ça s'arrose. J'ai arrosé quelque chose sur le coin du museau. Exactement. Donc on a mis le champagne au frais. Ouais. Non? Hein? Et on a mis le champagne au frais. Ah, ah, c'est bah. Des mots qu'on lui a fait lavage de cerveau de certains mots. Whisky, champagne, tout ça maintenant. C'est vitel, Evian, cidre doux à la rigueur. Ce sont des mots qu'on lui a mis. Mais avant, tu savais pas les dire, tous ces mots-là. Ben, si. Oh, alors, répète après moi. Evian. Evian, c'est vitel, coca, Schweppes, tout ce que tu veux. Continue, vas-y. Vas-y, cite-nous des boissons. Café, Ritless, vas-y, t'as toutes les marques. Hein. Vas-y, encore des boissons. Mais cite-nous des boissons non alcoolisées. Oh bah, t'en as plein. T'as Brut, Brut de pomme, t'as... Brut whisky, Brut gin. T'as Perrier, t'as Vichy, t'as toutes ces merdes-là. Ouais, toutes ces merdes-là, ouais, c'est ça, ouais. Et sinon, voilà, en bonnes boissons qui sont pas de la merde, bon bah t'as JB, t'as tout ça. Bon, ouais, enfin, ouais, c'est ça, bien sûr, t'as voilà. Raison. Bon, très bien. Bon, écoute, mon petit Gérard, on va se retrouver tout à l'heure. Fildar va venir te récupérer, bien sûr, devant chez toi.